mettre la mine. El Matador. Ok. La famille. Ici ou là-bas. Yeah, yeah. Ici ou là-bas, y'a pas de différence. Ça fait bladi, le ou son nom. Et là où il est hier, rana bien kif kif. Moi, le film de Gourbet, je suis un fils. Ici ou là-bas, y'a pas de différence. Ça fait bladi, le ou son nom. Et là où il est hier, rana bien kif kif. Moi, le film de Gourbet, je suis un fils. Ici ou là-bas, la seule différence, c'est la valeur du blé. C'est avec la mentalité du bled que je suis éduqué. Merci, ma gueule. Sans avoir d'accent, qu'ahouab l'hlib sec, me parle pas de croissant. Ici je suis un étranger, là-bas je suis le migri. Depuis qu'ils savent que je rappe, ils me croient blendé comme 50. Ici comme là-bas, la jeunesse s'est bousillée. Ceux qui prennent le Zeralda ou le Tariq Bouzillette. À Marseille et à Oran, c'est le même climat. Beaucoup rêvent d'un aller sans retour avec ou sans visa. Rap de clan d'eau qu'on font pas avec chouchou de Clichy. Même les Marocains et les Tounes y diront si, si. Le cœur partagé des deux côtés de la rive. Sahbi, je suis qu'un arbi qui parle en gaouli. Le monde a changé depuis Boum et Jen et Shedley. Depuis qu'on n'entend plus Hasni dire y'a de l'Eli. Ici ou là-bas y'a pas de différence. Ça fait bladi, you was no no no. Et là où il est hier, rana bien kif kif. Moi le film de Gourbet, je suis un refit. Ici ou là-bas y'a pas de différence. Ça fait bladi, you was no no no. Et là où il est hier, rana bien kif kif. Moi le film de Gourbet, je suis un refit. Ici ou là-bas y'a le même respect envers la famille. On laser mi quand les chibéni n'ont pas de ralice. On a vu plus d'une fois nos darons s'en guetter pour pouvoir aller passer au bled les vacances d'été. Parce que les cousins veulent pas les sabdertati. Ils connaissent la différence entre Lacoste et Asics. Tu sois d'ici ou là-bas, Kabil ou Chewi. Tant que t'es un Gézer et Khoyan, t'es où il te bledi. Numéro 1 mondial de la maîtrise du système D. T'abrasses comme tu peux pour finir blendé. On rêve tous de changer nos euros en dinars pour pouvoir construire la plus belle villa de la Médina. Ici comme là-bas, ça flambe dans les cabarets. Avec des soirées roublas sans arrêt. Fihadr Nes, le bled, ma vie est ici. Chez moi, y'a pas de Coca-Cola, que du Ifri. Ici ou là-bas, y'a pas de différence. Sahbi, Sahbi bledi, you was mon enfant. Et là où il est hier, on est bien kiki. Moi, le film de Gourbet, je suis un refit. Ici ou là-bas, y'a pas de différence. Sahbi bledi, you was mon enfant. في بلادي البحر والهواء يسي ورابا زي قطع الجبال يا خويا تتخلوان يسي ورابا حتى في الغربة عندك كدوان يسي ورابا شوف حوايج قلبك يتكوان بصح معليش يسي ورابا يا فادي فيروس بصح في بلادي يوز مونومون هنا ولا هيه رانا بيع كيف كيف كيف différence prochaine. Mon enfance te casse. Yeah, yeah. Fihadr le Maghreb en général.